Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, pendant une guerre sans fin, des samouraïs cherchent à prendre leur destin. Chacun guidé par leurs devoirs et leurs désirs, ils auront affaire à l'une des villes du clan du crabe, Sunda Mizumura. Tout jeune recrue que vous êtes, prendre vos services dans le quartier des plaisirs, des petits plaisirs de Sunda Mizumura, donc le quartier du roc de manière générale. Vous êtes passé devant une forteresse et vous avez une rue avec de chaque côté, à droite et à gauche, des boutiques, mais pas du tout. Ce sont plutôt des tripots et un peu des lieux de débauche de la ville. Vous avez fait la rencontre de quelques personnes à peu près aussi respectueux que des ronins, d'ailleurs. Oui, c'était des ronins, c'est bien ça. Aussi respectueux que des chiens de faïence. Hein. Ça a l'air d'être un prêteur sur gage. Donc, vous avez patrouillé de nuit dans cette rue quand vous avez vu au loin un incendie. Ravagé des habitations, vous êtes précipité vers cet incendie, sauvant de justesse une petite fille tombée inconsciente à cause de la fumée, et miraculeusement aussi une vieille dame qui se trouvait dans la maison à proximité de la maison qui a pris feu, l'origine du feu. Tac tac tac. J'en ai rien. Vous avez poussé une petite investigation, donc après, est-ce que vous vous rappelez des indices que vous avez trouvés ? Oui. Oui, et peut-être qu'on pourrait revenir dessus, on peut échanger. En fait, vous êtes un peu le matin, vous avez quand même un petit peu réfléchi, mais il était tard la nuit où vous êtes parti vous reposer très tard, justement avec les événements qui s'est produit, la fille que vous avez dû ramener chez vous, enfin. Dans la maison de Ita Fujikawa. Vous êtes réveillé assez tôt, justement. Les serviteurs viennent vous réveiller, si ce n'est pas le fait déjà de votre propre chef, vous disant qu'un messager est passé ce matin, un message important de la part de la législature vous est parvenu. Et il vous tend une sorte de petite dérogation, un papier. Assez sommaire, on vous demande de venir le plus rapidement possible au palais du magistrat d'Emeraude pour que vous ayez un entretien avec Kuni Aizu. Ça va. Eh bien, personnellement, je vais me lever, m'habiller au plus vite. D'accord. Prenant soin, comme dire, de faire ma toilette. Oui, vous faites des balbutions. Vous pouvez toujours aller dans les bains publics qui se trouvent aux alentours. Je voudrais savoir, la fille que vous avez hébergée, une certaine... Néné. Néné, mais c'est quoi son nom? Néné Kun, c'est une Némine, donc elle doit pas avoir dans sa vie. Si, si, Némine doit avoir des noms. Ah, ok. On s'en fout, c'est une Némine. Mon cher, dois-je vous rappeler que la compassion est aussi une valeur du Bushido ? Kakidama. Oui, mais la compassion se résume simplement à la ramener à l'orphelinat le plus proche. Sont morts. Cette personne est potentiellement en danger, et vous le savez tout autant que nous. Si cette personne est une enfant. Enfin. Vous savez, ces petits êtres peuvent, comment dire, se faufiler partout et assister à des choses auxquelles ils ne devraient. je pense, pour être la source de cet incendie. Enfin bref, nous tergiversons. Je propose que nous en parlions plus tard. Enfin, nous ne faisons pas attendre. Bien, bien. Enfin, nous pourrions en parler sur le chemin, si vous souhaitez. Vous allez vous rendre directement... Non, on a des opinions divergentes. Au palais, ou vous comptez faire autre chose avant? Vous pouvez y aller n'importe quand, vous serez accueilli par ce Konya Yezu, mais vous ne devez pas non plus trop traîner, il ne faut pas attendre la soirée pour y aller. Oh oui, non. Bah, déjà... Vous avez des choses importantes à faire. Hein. Je crois que on était 2-3 d'avoir dit qu'on allait rédiger un rapport. Oui. Donc ce que je propose, c'est que on fasse une rédaction commune. Exact. Je ne sais plus si je vous en avais fait part hier soir, mais enfin, je propose que nous partagions ce que nous avons découvert. Donc je ne pense pas qu'il serait très intelligent de le mentionner. Oups, excusez-moi. Très intelligent de. Je ne pense pas qu'il serait très intelligent de le mentionner, mais pourraient m'amener à penser que cet incendie est d'origine criminelle. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai trouvé le cadavre d'une lanterne. Éclaté sur le sol près de ce qui reste de la maison. Suivi d'une traînée de sel qui se perdait dans la grande rue pour devenir introuvable, pour disparaître, ne plus laisser de traces. Donc je pense très clairement que quelqu'un a mis le feu à ce bâtiment. Enfin, je pourrais penser très clairement que quelqu'un aurait pu mettre le feu, accidentellement ou pas, à ce bâtiment pour des griefs que nous ne connaissons pas. Certains d'entre vous auraient-ils vu des choses suspectes ou troublantes? Un peu plus tôt dans la journée, nous avons vu un homme prendre des bourses aux membres de... De la brigade... Le Oui des Eaux. Non, la brigade... Non. La brigade des incendies, en fait. Oui, je confonds avec la garde des Eaux. Veuillez m'excuser. Et en effet, ils ont mis beaucoup de temps à répondre. Et vous dites que... qu'ils se soient fait graisser la patte. Que penseriez-vous d'aller en... interroger cette brigade. Il ne faudrait pas non plus. Nous ne savons pas quand dire. Tant que nous n'avons pas de preuves avérées de la chose, je pense qu'il faut mieux éviter de. Vous allez porter le bruit. Nous pouvons déjà, dans un premier temps, leur demander quelle est la raison pour laquelle ils ont tardé à arriver sur les lieux. Et voir un peu leur crédibilité. S'ils sont, impliqués, ce que je pourrais penser, cela nous rendrait immédiatement suspects. Étant donné que nous sommes les Yorikiri... Les Yokiri... Yoriki. Les Kiri. Les Yoriki de ce quartier, nous sommes déjà sans doute... ils se méfient déjà sans doute. Donc je propose qu'effectivement, nous faisions comme... ce cher Miyamoto-san nous a dit que nous allions interroger la garde sur son... La brigade. Les brigadiers. La brigade sur ses retards et sur ses agissements, même si nous devons toujours rester prudents. Je pense en effet que c'est une bonne idée, mais d'abord il faudrait nous apporter au moins en tout cas un rapport préliminaire à... Très bien, donc faisons dans cet ordre-là. Rendons notre rapport, dans lequel d'ailleurs faisons-nous mention donc étant donné que nous n'avons très peu, voire aucune évidence de ce que nous avançons, du moins Claire, suggère de ne pas évoquer ceci dans notre rapport. Pour l'instant, nous l'écartons tant qu'il n'y a rien d'avéré. Voilà. Nous en pourrons dire que nous avons plusieurs pistes actuellement, mais que cela mérite investigation. Parfait. Qui est, selon vous, le plus à même, qui a la plus belle plume, si je puis dire? C'est pas très important, hein, le rapport, vous pouvez le rédiger tous ensemble. Très bien. On écrit tous bien. Voilà, oui, oui. On écrit le rapport. Il y en a peut-être un qui a la passion calligraphie, mais je ne sais pas. Non, je parlais juste en termes de genre qui était le. Enfin bref. Bon, tous les cas, si je comprends bien, vous allez faire votre rapport. Mm-hmm. Parce que vous omissez certains points, dont peut-être un témoin, la fille que vous avez sauvée. Ou est-ce que vous le mentionnez? On mentionne qu'on a sauvé cette jeune fille. Mmh. Et que pour l'instant, en attendant qu'elle aille mieux, pour pouvoir lui avoir un interrogatoire, un témoignage, on va dire, plus efficient, on la laisse au repos et que on fera ça donc dès que possible. Pour mentionner que la garde grise a si rondement mené son travail. Oui, bah, en interrogeant les témoins. Je pense que vous mettez les formes, tout ce qu'il faut justement, mais vous mettez à peu près tout ce que vous avez eu comme indice à la fin de ce rapport. C'est, en fait, on met tout ce qu'on a trouvé, tous les détails de ce qui s'est passé, sauf qu'on ne mentionne pas qu'on a des doutes sur quelque chose. C'est ça, on ne met pas de conclusion, on ne dit pas... L'enquête est en cours. Donc, vous avez ce document en votre possession. Vous allez vous rendre du coup à la magistrature. Uh-huh. Vous êtes accueillis, tout ça. Vous voyez qu'ils sont un peu occupés, donc ils prennent votre rapport et le portent à une sorte de, entre guillemets, un secrétariat. Mais que vous êtes conduit rapidement dans le bureau de Kuni Ayesu. Ils vous guident encore dans les couloirs et vous voyez que vous changez un peu d'endroit. Il se trouve dans un bureau un peu plus vaste, hein. C'est plus vraiment le bureau où vous étiez à peu près toujours collé. Là, c'est un bureau un peu plus grand qui donne une sublime vue, encore une fois, sur la ville. Il était en train d'écrire des lettres par dizaines. Vous voyez qu'il est en train de rédiger des documents. Il y a des scripts qui lui tend au fur et à mesure des rouleaux sur lesquels vous voyez qu'ils en ont plein les bras, hein, plein à craquer. Et là-dessus, après quelques gouttes de sueur, il demande une pause. Il sort de sous la table une bouteille et se sert tout de suite, vous voyez, une larme de saké. Pour le coup, il vous voit arriver, donc il vous salue tous, Yoriki, donc vous le saluez aussi en vous mettant à genoux et vous le saluez convenablement. On fait passer l'étiquette. Donc, samouraï, Yoriki. Je vous ai fait venir pour une bonne raison. J'ai appris hier soir qu'un incendie s'est déclaré dans le quartier du Roc et que vous étiez sur place. En effet. Cela est exact. D'après la garde grise, vous avez fait un peu votre investigation sans leur donner tous les détails. Bon, c'est pas plus dérangeant. La garde grise n'est pas là non plus pour enquêter, mais pour agir sur la sécurité de nos citoyens. Du coup, qu'est-ce que vous avez à me dire? Parce que j'ai aussi des informations, peut-être. Alors, nous avons transmis notre rapport comme vous l'aviez demandé. Voilà. Mais donc, bref. Voilà ce que nous avons appris déjà hier soir. Nous avons pu voir hier soir. Donc je lui répète tout ce qu'on a écrit sur le rapport. Oui, c'est justement ça, vous ne vous souvenez rien. Et lui, il n'a pas lu encore le rapport. Avec ses dossiers. En fait, comme votre rapport va être guidé dans les archives, recopié, puis ensuite il sera archivé, et il y aura une copie qui circulera pour tout le monde. Donc, en attendant, lui, il veut bien vous entendre à l'oral, parce que c'est plus important. Il vous dit, très bien, C'est cette famille, Takidama, est assez connue. J'ai eu quelques-uns de mes Yoriki qui m'en a déjà parlé. Apparemment, Oden, si c'est bien ça, était un marchand ayant de fortes dettes. Mais miraculeusement, il les a effacées du jour au lendemain. Et commence à s'enrichir. Beaucoup de soupçons de corruption et peut-être aussi de contrebande pesaient sur lui, mais jamais rien n'a été prouvé. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur lui. Je sais qu'il achetait en grande quantité de la viande et du sel, certainement pour faire des conserves. Du coup, vous pensez à ce que nous devrions enquêter sur peut-être un accident qui n'en est pas un ? Il avait certainement d'autres dettes autre part. Cet argent n'est pas apparu n'importe où. Quelqu'un a dû le payer une coquette somme pour rembourser certaines de ses dettes. Et peut-être ce quelqu'un a perdu patience. Qu'en pensez-vous ? Ce pourrait être probable. Peut-être justement qu'on se servait de ses dettes comme un fardeau pour, je ne sais pas, le forcer à faire quelque chose, et le fait qu'il s'en soit libéré et porté justement au préjudice à quelqu'un, peut-être. Sachez que c'est votre quartier et que c'est votre responsabilité de trouver le dénouement final à ce problème. Si c'était un accident, on conclura que c'est un accident. Et d'après ce que vous me dites, ça a l'air d'être un peu plus sombre comme histoire. En tout cas, c'est une histoire qui mérite justement enquête. Si vous avez besoin de renfort, je vous autorise peut-être à appeler d'autres Yoriki à vous aider. Est-ce que vous en avez vraiment l'usage, je ne sais pas. Ah, pour l'instant, nous y verrons par nous-mêmes. Et vraiment, en cas de besoin, nous ferons appel à d'autres personnes plus compétentes. Très bien. J'aimerais aussi que vous interrogez le seul témoin qu'il y a de la maison. Même si c'est une jeune fille, il ne faut pas oublier qu'elle a vu certainement des choses et qu'elle peut avoir un intérêt dans cette affaire. C'est pour cela que nous l'avons ramenée avec nous à la demeure de Fujikawa-san. La pauvre qui a perdu ses parents, je pense que c'est un triste sort, mais il faudra la placer dans l'orphelinat du quartier des Franches. Vu que son rang n'est pas celle d'un samouraï, elle ne pourra pas être la pupille de ce Nami Izumura. Tout à fait d'accord. Si, c'est la pupille de ce Nami Izumura, mais pas samouraï. Pour l'instant, je l'ai mise sous ma protection. Oui, oui, vous avez raison. On ne sait jamais, peut-être elle t'a vu quelqu'un qui ne devait pas être là. Bon, ben, je vous fais entièrement confiance sur cette affaire. Je pense que vous avez les épaules pour la mener à bien. Avant que j'oublie, Yoritomo. Oui. D'après quelques-unes de mes lettres que j'ai reçues, une délégation venant de la cité du mensonge arrive à Sunda Mizumura d'ici quelques semaines. Donc votre mère. Ah bon ? Oui. À la bonne heure. J'aimerais que... La cité du mensonge ? Je voulais vous mettre au courant. Au moins, vous êtes au courant. Dans quelques jours, elle arrivera quelques donc semaines. Quelques semaines. Quelques semaines ? Très bien. Elle va s'installer certainement dans la résidence Bayushi, enfin, ce qu'ils appellent leur résidence, j'appellerais plutôt ça... Une maison close, oui. Oui, c'est la résidence de la famille Bayushi. Non, c'est pas une maison close, hein, mais... mais je lâche ça dans un... Ah, d'accord. D'accord. Avec un ton méprisant. Pardonnez-moi, qu'insinuez-vous à propos de ma mère ? Oula, je me cache. Ah, vous êtes donc le fils Bah, quand il parle de ma mère, effectivement, je suis son fils. Vous êtes vraiment perspicace. Je suis comme si vous n'avez rien entendu pour le bien de notre mission. Mais nous savons très bien que les murs du scorpion sont, comment dire, impénétrables. Ainsi, nous pouvons donc parler de maison. Surveillez votre langage, je vous prie. D'où rien ne sort ni n'entre, nous le savons tous. Ouais. N'est-ce pas ? Allez discuter ça plus loin de mon bureau. Allez, du vent. Ah, ce n'est pas ma faute si vos ascendances vous font penser directement à ce genre de maison close. Plus loin. Donc il reprend son petit travail, Kunia Yezu. Tu vois qu'il râle un peu, mais il y a toujours ses scribes qui arrivent avec encore plus de rouleaux qu'il doit signer, traiter et lire. Bref. Donc vous sortez de la magistrature, vous êtes encore un petit peu la dispute ou... Oui. N'oubliez pas une chose, mon très cher Garbatar. Moto-san, je préfère. Moto-san. Mais vous voulez qu'il en soit ainsi. Ouais, non, mais garde cela pour plus tard. Le clan du scorpion sait nager. Ne l'oubliez pas. Et pourtant, oui. Il demande à la grenouille si on peut l'emporter sur son. C'est beau. C'est beau, les gars, j'en pleure. C'est... Vraiment, c'est très beau. Sur ce, mes très chers amis, je pense qu'il est temps pour nous de d'aller voir cette brigade et d'essayer de tirer un peu des conclusions, s'il en est possible. Oui, bien, je vous suis, mon ami. Je souhaiterais découvrir aussi où se trouvait l'échoppe, ou du moins, quels étaient les clients donc de la victime. Car si une trace de sel a été trouvée, je pense très clairement qu'un état, un de ses employés aurait pu être pu pouvoir, comment dire, pénétrer dans sa demeure et mettre le feu. Et écoute, Moto-san, si tu es chanceux, peut-être pourrais-tu retourner sur les lieux et peut-être trouver un quelconque cahier tenu de compte. Pardon ? Si tu retournes sur les lieux, tu pourrais peut-être être chanceux et trouver un cahier de tenue de compte. Malheureusement, je pense qu'il n'aurait pas survécu à l'incendie. Ah, on ne sait jamais. Néanmoins, peut-être que si jamais la victime possède une échoppe, peut-être une copie, ou que sais-je. Mais en tout cas... Généralement, Garbatar-sama, les échoppes sont souvent au même endroit que où se trouvent les demeures. Oui, mais Iruma-san, ne crois-tu pas que si son activité était quelque peu illégale, il mettrait peut-être ce genre de choses dans un endroit en sécurité, à l'abri des regards, et du coup peut-être caché? Si ça doit être à l'abri des regards, ça sera à l'abri de nos regards. Et ça serait sûrement dans le quartier des États. Je vous ferai très... Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vous ferai remarquer qu'il y a très peu de boucheries... bien, on y a démarqué avec un gigantesque panneau pour indiquer boucherie. À part dans les quartiers États, bien sûr. C'est donc là, je pense, nos investigations risquent de nous emmener. Je pense que il nous a été rapporté qu'il faisait de la salaison, mais pas de viande. Oui, mais ils vendent, donc ils s'occupent de cette matière impure qui est au contact du sang, qui est la viande, mais ce qui nécessite forcément du sel pour la conservation. Le sel n'était pas stocké dans la maison, je présume. D'autant plus. Si jamais il les met en conserve. Et si, je vous remarquez que j'ai trouvé une traînée de sel. Oui, mais est-ce qu'il y avait un stock de sel dans la maison? Donc, je propose donc que nous allions étudier les ruines. Peut-être si jamais, avec un autre point de vue de jour, nous trouverons autre chose. Mais donc, nous devons interroger la brigade. Allons-y. Allons-y. Question, Xen, il a bien dit donc la salaison de viande. C'est pas du poisson. C'est pas du poisson. Ça peut être du poisson. Ah ouais, bon, tu me rassures. Rapport, mais oui, de toute façon, on est au Moyen Âge. Hein, la seule technique de conservation. Bah allons à la brigade. D'accord, mais c'est le fait qu'il y ait de la viande, c'est, ah, par contre, c'est un gros problème. Oui, non, quand j'ai dit viande, je parlais de poisson. Voilà, merci mieux. Mais entre guillemets, il l'achetait, hein, c'est-à-dire qu'il faisait transiter des marchandises qu'il faisait saler. Mais c'est pas lui qui était bouché, hein, faut bien comprendre ça aussi. Enfin, dans le cas, poissonnier plutôt que bouché. Oui, mais bouché, poissonnier, excuse-moi. J'ai dit viande, je parlais aussi des viandes de bœuf, mais le viande de bœuf qu'il faisait saler. Et c'était pour, oui, le corps, oui, de crabe, donc ça peut arriver qu'ils prennent du viande du bœuf. Bref, de toute manière, ça, c'est des renseignements que vous pouvez avoir si vous trouvez des marchands qui le connaissent. Donc, il y a une équipe, d'après ce que j'ai compris, qui veut aller voir la brigade, la même brigade incendie, celle du quartier du Rock. Mais il y en a un qui veut aller chercher des informations sur le marchand. Un ou plusieurs, hein, je ne sais pas. Par contre, ça va me demander un petit jet. Donc là, on est un peu en ville, hein, je crois que c'est downtime, donc c'est le temps en ville, donc ça me demandera quand même un petit jet, mais tu vas me dire, tu commences à interroger certains marchands en leur disant le nom, ou tu vas faire de telle façon à ce que tu parles de l'incendie et s'ils ont des informations sur l'incendie. Alors à qui t'adresses-tu? À toi, je crois, c'est toi qui m'as demandé si tu cherchais des informations sur le marchand. Pas spécifiquement, je crois pas, mais je peux m'en occuper. Non, mais si vous allez tous ensemble, vous restez groupés, vous allez... Oui. Ok. Bon, bah on va à la brigade directement. On va à la brigade. Donc on s'occupera des marchands. 11, hein. Donc la brigade toujours présente, hein, vous voyez qu'ils font de l'exercice, ils sont en train de remettre de l'eau dans leur citerne. Ils vous voient arriver et puis ils vous saluent. Vous voyez que certains sont depuis cette nuit un peu fatigués, ils sont allés se reposer, donc là c'est une nouvelle partie de la brigade qui prend leur place. Donc chacun d'entre eux a été remplacé, et ceux qui étaient sur les lieux ont été remplacés. Donc vous arrivez, il y a un des personnes qui s'occupe de ça et dit « Samouraï, que voulez-vous excusez-moi. Samouraï, que puis-je faire pour vous ?» Alors, est-ce que la personne fait partie des personnes à qui ont reçu une... un objet ou quelque chose? Non, lui non. Nous recherchons certains de vos hommes pour leur poser des questions suite à l'incendie de cette nuit. Que leur voulez-vous ? Tout simplement leur poser des questions sur ce qu'ils auraient pu voir lors de l'intervention. Tu vas me faire un jet de sentiments vides. Tu as deux réussites. Tu dois avoir deux réussites pour réussir le jet. Ouais, donc c'est impossible. Ah oui, mais bon. On pense jamais. Hein, ouais. Sur un malentendu, hein? Sur un malentendu, non. Tu restes un peu pragmatique, mais par contre, le prochain jet que tu feras, Attends, je regarde bien, excuse-moi. Le prochain jet que tu feras avec un anneau que tu choisis sera réduit de 1. Donc tu choisis un anneau et le prochain jet que tu feras avec cet anneau sera réduit de 1. D'accord, bah, je vais choisir le vide du coup. Le vide, ok. La difficulté, pardon, du jet. Donc tu, oui, vois qu'il est, qu'il te regarde droit dans les yeux et puis il te dit bah, qu'aucun de ces hommes... ne manque, tout le monde est là, tout le monde est présent. Ceux qui sont occupés de l'incendie sont en train de dormir. Vous pouvez les interroger si vous le souhaitez. Mais disons qu'ils sont très fatigués avec cet incendie. Ils ont dû s'en occuper jusqu'au petit matin, jusqu'au lever du soleil. Bien. Vous avez une idée à peu près de vers quel moment de la journée nous pourrions... si vous arrivez début d'après-midi, oui, vous pouvez les voir. Mais vous leur voulez quoi enfin, bah, comme je vous ai dit, hein, nous avons un rapport à rédiger étant donné que nous étions présents sur les lieux et nous devons donc prendre en compte toutes les données exactes et précises, y compris les témoignages de tous ceux qui auraient pu participer à l'extinction de cet incendie. Très bien. Bah, avant de passer cet après-midi, je dirais au gars que des samouraïs voudraient leur parler. Parfait. Pour nous voir, peut-être. Nous sommes brièvement présentés hier, mais pourrions-nous peut-être visiter un peu la caserne, étant donné que nous sommes les Yoriki de ce quartier, nous n'avons pas encore eu l'occasion de la visiter. Ben, je ne peux pas refuser, bien sûr, venez rentrer. Donc, il vous fait une visite, hein. C'est plus un bâtiment, vous voyez qu'il y a plusieurs citernes, il y a de l'équipement aussi incendié, des sortes de gros gilets pour parer à certains incendies, même des masques pour les fumées. Et vous voyez qu'ils sont d'ailleurs très bien équipés pour du matériel anti-incendie. Disons que ça a l'air d'être des confections assez étranges. Il y a quand même des engins un peu plus mécaniques, comme une sorte de pompe à pression. Donc quelque chose, une pompe hydraulique, quand tu utilises la force des bras pour extraire de l'eau. Donc c'est très, très intéressant, donc ça peut projeter un jet. Donc il vous dit que ça vient des quartiers des arsenaux, hein. C'est une de leurs inventions. Bref, il vous montre différents trucs. Et puis, il y a les quartiers, mais bon, vous entendez plutôt un silence, parce que tout le monde dort dans ces quartiers. Puis vous faites machine arrière et vous retournez devant le parvis. Et donc, vos compères, vos hommes, mis à part le moment où ils dorment, ils doivent avoir des permissions, ils s'amusent comme ils peuvent, tout se passe bien pour eux. Oui, enfin, ils ne sont pas trop troublés par leur présence dans le quartier des plaisirs. Disons que oui. Alors là, on a fixé certaines règles dessus. Je vous avouerai que c'est pas le quartier le plus difficile, même loin de là. Mais c'est un quartier dont la population peut vite grimper. Et certains accidents nous empêchent de circuler pour arriver rapidement sur les lieux d'incendie. Comme hier soir, par exemple, bien que vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous êtes arrivé légèrement tardivement. Que s'est-il passé? Vous avez eu des problèmes de ce genre? Non, c'est jamais arrivé, mais disons que là, on était déjà en sortie à cause d'une alerte qui a été donnée un peu plus bas. Et le temps qu'on monte toute la rue, la maison avait déjà brûlé. Ah oui, il y a eu un autre incendie dans le quartier. Cela est trop bien. Nous devons. Fausse alerte. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser plus? Nous devons faire part de ça dans notre rapport, c'est obligatoire. Il faudra parler avec mes hommes. Je n'étais pas présent sur les lieux, j'étais juste en train justement de faire la ronde plus loin dans d'autres quartiers. Mais c'était aussi pour un feu? Non, c'était pour des. Loisir. Est-ce que vous tenez à jour un registre de qui prend les alertes, qui note tout ça ou c'est... Oui, tout à fait. Voilà, oui. Qui alerte la caserne, par exemple? Il y a mon second qui prend aussi en charge les incendies. Et puis, on a une hiérarchie très, très structurée, justement, pour pallier à ce genre de problème. Si je ne suis pas présent, quelqu'un d'autre prend le commandement, etc. Est-ce que ce serait possible d'avoir un œil sur le registre, si c'est possible? Oui, bon, je m'en excuserai, hein, il n'est pas très bien rempli. Passons, nous devons juste prendre notre... Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas très cheval sur la calibration. J'ai un registre des volontaires, mais pas des badauds, ceux qui viennent nous épauler, comprenez? Donc il te montre un registre, tu as les noms de tout le monde, il te dit que là dans l'ordre ils ont gradé, etc. Donc dans la brigade il y a toujours un capitaine qui a été formé par des samouraïs contre la lutte à incendie. Puis ensuite, il y a des recrues, etc., qui sont en dessous, et chacune d'entre elles ont reçu un entraînement sur la lutte des incendies. Hier soir, c'était un certain Tsuji qui était en effectif. Pour les deux alertes. D'accord. Pour l'alerte, oui. Pour les alertes. D'accord. Mais de toute façon, nous pourrons le voir cet après-midi. Il doit être en train de se reposer actuellement, je suppose. Tout à fait. Okay. Mais je lui dirais que... Sinon, je peux lui dire de se déplacer jusqu'à chez vous. Si non, vous... non. Mais vous ne dites rien, nous viendrons comme ça à l'improviste. Pour les voir. C'est simplement pour faire notre rapport. Hein. Il n'y a rien de compliqué à cela. Et nous ne voulons pas vous causer de problèmes d'organisation. Si votre second doit se déplacer, il ne sera pas présent sur place si jamais il se passe quelque chose. D'ailleurs, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous faisons régulièrement en patrouille la journée ici. J'ai été prévenu. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre coopération. Oui, je vous souhaite une bonne journée, samouraï. Le devoir m'appelle. Merci, bonne journée à vous également. Bonne journée. Retourne à ses recrues, etc. Vérification du matériel, etc. Entretien. Puis vous quittez les lieux. Mais donc. Mais Moto-san et les autres, hein, bien sûr. Je pense que je serai partant pour aller refaire un tour dans cette maison, dans la maison, oui. Et pousser la chance, voir si jamais nous tomberions sur quelque chose qui n'aurait pas brûlé, qui puisse nous aider dans notre enquête. Ou quelque chose qui hier n'était pas là, enfin qui hier n'était pas là ou était là et qu'on ira. Que nous n'aurions pas vu. Et voilà. Ou qui aurait pu, dans le plus grand hasard, disparaître ou apparaître. Voilà. Allons voir. Bon, bref. Allons voir. Donc sur place, il y a toujours la garde grise qui avait, fait un périmètre autour de la maison. Mm-hmm. Pour vous faire gagner du temps, personne n'est venu. Entre-temps. Ils sont sûrs et certains, personne n'est venu. Après, si vous voulez encore fouiller les décombres, malheureusement, il reste que de la cendre. Vous retrouvez toujours cette lampe à huile, hein, normale. Les traces de pas mènent vers nulle part. C'est toujours présente. Et oui, toujours cette trace, ça a l'air d'être du sel, comme vous le dites. Je vais en prendre et le mettre dans ma poche. C'est mélangé à la terre, hein. c'est plus vraiment exploitable, tu peux pas vraiment le prendre comme ça, tu le remarques juste sur la traînée de sel forme un cercle, un dessin, un truc à la con comme ça. Non, c'est des traces de pain. D'accord. Si nous allions questionner le voisinage pour savoir quels étaient les rapports qu'il pouvait y avoir avec le commerçant. Eh ben, j'aime ça, j'aime quand on questionne les gens. Alors, là, ça va être une scène de downtime. Du coup, vous avez le choix dans votre questionnement. Tac. Donc, vous allez questionner certainement des marchands. Très bien. Donc, ça va être un jet de commerce. Même si c'est pas pour négocier, c'est pour avoir des informations. Et vous avez le choix entre... Alors, attendez. Hop. C'est eau ou feu. Personnellement, ce sera feu pour moi. D'accord. Ça revient à peu près au même, à vrai dire. Pour ma part, ce sera eau. Moi, ça va être du feu. Qu'est-ce que ça va rien changer dans l'approche ou quoi que ce soit? Ça va changer un peu les effets sur les bonus, enfin sur les opportunités. Mais sur le succès, vous avez besoin de 3 succès pour avoir les informations. Un succès et plus une information par succès supplémentaire. Donc 3 succès, c'est le truc. C'est le jet qui est bon. Bon, dans ce cas-là, vu que personne n'a pris feu, si je me trompe pas, je vais prendre feu. Si, moi j'ai pris feu. Donc qui a pris quoi? Alors, Iruma O. Feu pour Miyamoto. Et feu pour Yorimoto. Bah dans ce cas-là, je prends l'eau. Donc okay. C'était feu ou eau, hein, c'était bien ça. Oui. C'est quoi comme... Ah oui, merde, c'est commerce. Commerce, d'accord. Miyamoto. Eh bien, je passe mon tour. Tu gardes au moins les 2 opportunités, comme tu as fait sur feu. Tu vois que les marchands, quand tu les questionnes sur... je vais te faire comme ça. Quand tu les questionnes sur... Oden. Oden, oui. Kakidama, Oden. Tu sens qu'il y a une grosse pointe de jalousie. Tu sens leur émotion. L'émotion principale, ce serait de la jalousie. D'accord. Donc, les autres opportunités te permettent d'avoir ça comme intuition. Ok. Mais tu vois, quand il te répond juste les mots à côté, quoi. C'est un marchand... Il a une belle maison en haut, sa maison est brûlée, bref. Et tu sens quand même qu'ils ont pas, ils l'aiment pas trop. Hein. D'accord. C'est galant. Oui. Iruma et Moto, je crois que vous avez fait tous les deux en haut. Oui. Vous allez avoir des informations un peu différentes. Alors, vous commencez à tchatcher avec les commerçants à proximité. Donc, c'est toujours les marchands de breloques qui ont ces genres d'informations. Et tu vois qu'il y en a un, surtout celui qui a voulu vous donner un pendentif en forme de... Phallus. Voilà. Faut pas le dire, c'est tout. T'inquiète. Il vous raconte un peu qu'il connaissait... Il connaissait bien Onden. C'était un type qui venait souvent lui acheter quelques-uns de ses talismans pour aller dans une maison de passe. Et il te dit, très honnêtement, il a... une geisha préférée dans la maison juste à proximité dans le quartier. Certaines Soma Chan, comme on l'appelle. Donc ça on l'a pris tous les deux. Attends, je vais avoir une autre information pour vous. Alors, je vais juste le marquer, excuse-moi. Comme quoi une certaine Soma Chan qui est juste dans l'établissement et te pointe du doigt, donc ça s'appelle la grue effrénée. C'est un établissement, disons, avec... c'est le même établissement avec un balcon où tu as souvent des geishas qui viennent t'attirer à l'intérieur. Et il y a salle de jeu, salle de boisson, etc. etc. C'est aussi un endroit où tu peux entendre des belles chansons chantées par une sorte de karaoké si tu veux, mais il y a des musiques et des chansons qui sont souvent jouées. Et c'est plus l'alcool et le jeu qui est mené courant. D'accord. Et donc oui, et Yoritomo, dernière chose, toi tu as eu comme information que disons que le Oden avait de lourdes dettes de jeu, qu'il avait perdu énormément d'argent au jeu. Et il avait demandé un prêt de la part d'un prêteur sur gage qui s'appelle Zonto. Zonto ? Oui, Zonto. Z-Z-U-N-T-O. Vous avez déjà entendu parler, hein, sa boutique, vous l'avez visitée. C'est celui avec les ronins devant. Ouais. Voilà. Comme par hasard. Il avait de lourdes dettes et puis dès qu'il a fait un peu son nid juste à proximité de ce quartier, il n'a plus jamais entendu parler. Ok. Voilà. Ensuite, le dernier c'est Moto, c'est toi qui avais réussi. Non, pardon, c'est qui a fait en feu déjà, c'est Yoritomo. Oui. Ah, Yoritomo oui. Et. Alors là, ça va être c'est juste un petit peu différent parce que je crois que t'as une opportunité. Non. Pas d'opportunité, ok. Non, il n'y a pas grand chose qui change. Ah si, tout à fait, il y a un truc. Tu vois que tu commences à un type que tu as devant toi, un marchand complètement... tu vois que ça a l'air d'être celui qui adore t'arnaquer, commencer. Tu vois que tu as ce sentiment que ce machin veut t'estorquer toutes ces informations. Donc tu t'énerves un petit peu sur lui, tu vois. T'as pris combien de points de conflit au total déjà ? J'en ai 3 sur moi là. Ok, tu t'énerves un peu, tu vois que tu perds un peu de patience avec ce marchand. Il commence un peu à te mener en bourrique depuis plusieurs minutes. Et puis, tu vois que quand tu t'énerves vraiment. Il a l'air quand même un petit peu intimidé, mais aussi il a ainsi un peu de recul sur toi. Tu vois que tu l'intimides et il transpire un peu en fonction que tu l'interroges sur Oden, etc. Il te dit que rapidement qu'il a un entrepôt sur le quai de la rive est. Si vous voyez ici. Rive est. Ouais. Oui. Un quai de la rive est où il te donne une adresse à peu près la cinquième maison quand tu sors du pont des deux rives. Tu tournes à gauche, etc. Et c'est là où il y a son entrepôt. Il t'explique qu'il avait justement l'envie de racheter cet entrepôt, vu que maintenant il est mort et que tout le monde se fout complètement qu'il ait cet entrepôt, mais peut-être qu'il voulait le racheter avec les marchandises qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui est son plan. Donc tu as réussi à avoir des bonnes informations là-dessus. Hein. Ok. Parfait. Donc vous vous retrouvez, hein, vous avez quelques informations, vous avez quand même parcouru une grosse partie de la ville, hein. Vous n'êtes pas resté que dans le quartier du Roc, hein. Vous êtes allé aussi dans le quartier du Grand Temple, vous voyez le carrefour des futurs échanges, vous êtes allé à proximité des vraies échoppes, où vous avez reçu pas mal d'informations sur Oden. Ça vous a pris une grosse partie de la journée, hein. Ça vous a pris 3-4 heures pour même trouver des personnes qui vous renvoient vers d'autres personnes, puis vous rassembler, peut-être manger un petit plat emporté que vous trouvez dans une petite échoppe qui vend des brochettes et du riz. Donc vous êtes enfin au milieu d'après-midi. Eh ben c'est l'heure de retourner à la Non, vous êtes l'après-midi, pardon, vous êtes après-midi. Par milieu, vous n'êtes pas à 15h, vous êtes plus entre 12 et 14h. Vous retournez du coup à la brigade. C'est ça? Oui. Je me disais, on n'est pas tous obligés d'aller à la brigade. Hein. Moi, j'aurais bien voulu aller enquêter sur ce fameux. Vous y allez tous ensemble parce que c'est sur votre chemin, etc. De toute façon, ça revient à peu près aux mêmes zones géographiques. De toute façon, il faudra quitter cette rive-là pour aller dans l'autre rive. Donc, bon. Je finis. Vous allez à Brigade. Là-dessus, vous êtes accueilli justement par Tsuji, qui arrive solennellement. Tu vois qu'il n'est pas très bien. Vous sentez qu'il est un peu nerveux quand il arrive vers vous. Alors, est-ce qu'il fait partie des personnes qu'on a vues la veille accepter Alors, tu vas me faire un G. Encore une fois. Oui. Je regarde, ça va être terre. Sentimentaire. Est-ce que tu avais perdu un point de vie entre temps? J'avais déjà perdu un point de vie. Tu le récupères. Ah, ok. Parce que je t'ai pas donné la difficulté du jeu. Et là, je te le dirai toujours. Si t'as réussi. Tout du moins, tu n'es pas sûr du tout que c'était l'un des hommes, puisqu'ils étaient de dos, mais tu reconnais un truc, un détail physique que tu avais vu sur l'un d'entre eux, c'était ce brassard, entre guillemets, une sorte de brassard que met certains brigadiers sur le bras. J'ai l'impression qu'il a... Il a mis ça, mais comme une sorte d'insigne de gang ou de clan. Comme s'il si appartenait à une sorte de groupe. Mmh. C'est un brassard, tout ce qu'il y a de plus normal, marron clair. D'accord. Donc, ça va. Vous voulez me voir c'est pour votre enquête sur les incendies. Tout à fait. Tout à fait, on aurait aimé savoir en fait, donc apparemment hier soir il y aurait eu une alerte qui se serait avérée être fausse et une autre, et l'incendie qui vous avez donc du coup été retardé par la fausse alerte. Vous allez rire, hein. la fausse alerte, c'était pas. C'était un peu compliqué, apparemment, il y avait juste un feu, mais on est vite reparti parce qu'il n'y avait pas besoin de nous. Et c'était où ce feu? C'était plus loin dans la rue. C'est-à-dire, plus précisément? C'était. Vous allez rire, je m'en rappelle vraiment plus, mais bon, c'était mineur. J'ai passé la soirée à éteindre l'incendie. C'est très bien, vous en marchant. Mais nous avons besoin d'adresse. Rapport. Mais c'est plus bas, enfin. Je sais plus. J'ai oublié Samouraï. Vous venez nous faire croire que vous, une personne aussi raisonnable et organisée, vous avez oublié ça? Oui. Vous êtes quand même rendu sur les dieux. Oui. Bah, donc, vous étiez pas seul alors? On s'est rendu sur les lieux, il n'y avait pas besoin de nous, il y avait un autre incendie. Qui était d'accord. Avec vous quand vous êtes allé sur les lieux de la fausse alerte? On était trois hommes. Et pourrions-nous les voir, ces deux autres hommes? Ils sont partis rejoindre leur famille, ils sont très fatigués. Il n'y a que moi. Pourriez-vous nous donner les noms et nous irons les voir par nous-mêmes? Tu vois qu'il respire fort, tu vois. Et si on apprend que vous nous avez menti, ne vous inquiétez pas, on reviendra vous voir. Non, jamais je vous mentirai, Samouraï. Très bien, donc où se trouve cet endroit? Parce que je doute quand même que vous perdiez la mémoire à ce si jeune âge. Vous savez... Et donc vous entravez la justice. Non, à moitié pardonner. Oui, nous sommes bons, nous vous pardonnerons. Dites-nous. Vous savez très bien que la compassion est une valeur du Bushido, qui nous est très importante à nous, Samouraï. Nous saurons être compréhensibles. Sif aussi. Mais. Alors. Tsuji-san. Oui. Où était donc cette adresse? Enfin, cet endroit. Tu vois qu'il hésite, il a l'air vraiment pas bien. Nous attendons. Écoutez, allégez votre esprit à la hauteur de la bourse que vous avez reçue. Tu vois qu'il y a... on n'était pas parti en mission. On s'est arrêté dans un bar avant. Oui. Dès que l'alerte avait sonné... On vous avait demandé gentiment de ne pas venir tout de suite et de prétexter une autre alerte à côté. On a levé le pied, oui. Bon. Qui fait jamais ça? On a été payé et puis... Et qui donc vous a payé? C'est un homme âgé. Non, mais son nom, vous sembliez le connaître. Non, je le connais vraiment pas. Non, je vous jure, c'est moi. Ne le dites pas au capitaine, sinon je perds mon boulot. On dira rien au capitaine si vous nous dites tout maintenant. Je sais pas qui c'est, mais c'était un vieux. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois venir dans ce quartier, mais... Et donc, n'importe qui peut venir vous voir en vous disant « Oh, allez prendre du bon temps, tout ira bien, on s'occupe de... » Vous m'avez payé une bonne somme. Oui, combien? 30 yubis. Ce qui fait moins d'un coucou, mais c'est pas mal comme somme. Ça fait quand même pas mal de coups. Ah là là. 30 Yumi pour avoir laissé. Mourir. 30 Zeni pour avoir laissé tuer un pauvre homme. Ah là là. On est. Attends. Il y a quand même. Il y a 3 personnes qui sont mortes. 3 personnes. 4 personnes mortes. À 4 personnes. Moins de 10 zénis la personne, quoi. Eh bien. Personne morte, il y a un vieux, il y a la femme et le mari, ouais. La maison principale. Et il y en avait un autre qui était mort dans l'appart des vieux. C'était un autre homme qui était là, hébergé par la vieille famille. D'accord, enfin, d'accord. C'était un mec hébergé. Nos problèmes, et une orpheline. C'est les alentours avec les chaleurs, etc. Il y a pas mal de gens qui ont été brûlés, mais rien de grave. Rien de grave, mais oui. Non mais je rigole. Enfin, en tout cas, ça fait. On peut au moins avoir 40 zénis, hein, 10 zénis par personne tuée. Ça fait 3 bouts. Ce qui fait à peu près la moitié d'un coup. Un tiers d'un coup. La moitié. 3 bouts, ça fait pratiquement la moitié d'un coup. Ah, je croyais que c'était 10 bouts pour un. Non, 5. Voilà ce que vaut la vie de plusieurs personnes pour vous. Tu vois qui. Il y a deux doigts de chialer, le pauvre, il est vraiment pas bien. Voyant que cette faute pourrait lui coûter bien plus. Monsieur, je. Bon, ça n'engage que moi, mais. Sachez que si jamais. Vous rappeliez ou que vous puissiez revoir cette personne. Ce serait plutôt une bonne chose de nous aviser et de nous dire qui c'est. Ou où il est. Oui, je suis un fleur et samouraï. Parce que sinon nous reviendrons vous voir. Toi qui transpire, oui. Avec de bonnes nouvelles. Vous en aviserez vos camarades également. Oui. Si jamais la mémoire leur revenait ou s'ils connaissaient cette personne, ils seraient. Je leur poserai la question. Merci d'être clément, c'est vrai. Merci infiniment. Et nous vous allons à l'œil maintenant. Il peut parler fortune, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites du pauvre homme de Tsuji qui est pas vraiment pauvre maintenant qu'il s'est fait une petite fortune? Bah, moi, ce que je propose, en sortant de l'endroit, on reviendra le voir un peu après, un jour, deux jours après, pour voir s'il a des informations à propos de ce vieil homme qui lui serait revenu. Et si jamais rien ne lui est revenu, on lui appliquera la sentence qui doit être appliquée pour ceux qui dérogent à leur travail en recevant une somme d'argent. La mort ? À peu près. Non, attention, Sonda Mizumura, c'est une autre loi parce que ça arrive souvent. Seulement là, ça. Si c'est pas le fait de prendre l'argent qui est un problème, c'est le fait qu'il y a eu des vies qui. Oui, mortes. Voilà. Ouais, il sera jugé de toute façon comme il se doit. Voilà, c'est pas à vous de faire. Enfin, voilà, c'est pas juger, à nous de faire le jugement, mais il sera jugé. Justement. Bon, bah alors, il sera jugé comme il se doit. Justement, c'est un peu vous qui devez le juger, pas sur place exactement, mais tu peux déjà lui dire, bah tu vas peut-être. Tu vas perdre des cheveux, quoi. Oui. Des cheveux, des dents, tout ce qu'il a besoin. Question, voilà, on est sorti, mais est-ce que Yoritomo, tu nous as partagé tout ce que tu as eu comme information? Enfin, est-ce qu'on a tous partagé ce qu'on a reçu? Je pars du principe que oui. Parce que. Justement, on est vu qu'on est dans le quartier, nous pourrions aller voir la favorite de Odell. Il avait une geisha à qui se confier. Mais écoutez. Oui, une geisha. Pourquoi pas si ça. Nous pourrions nous séparer. Étant donné qu'il faut aussi aller vérifier cet entrepôt. Me semble, et qui est-il d'autre que nous avons découvert Ah oui, le prêteur sur gage aussi. Prêteur sur gage, il vaut mieux être tout cela. Non, je pense que le prêteur sur gage, il faudra venir avec des informations en notre possession pour cela, car là, je pense que c'est un fourbe et que s'il est impliqué là-dedans, nous ne tirons rien sans avoir une preuve valable. Hein. En tout cas, il reste l'entrepôt. Non, mais l'entrepôt, tout à fait. Moi j'y vais de toute façon. Vous y allez, très bien. Quelqu'un pour vous accompagner? Si cela vous dérange pas, je préférerais aller voir la guiche. Écoutez, Yoritomo, je vais aller avec vous à l'entrepôt. Parfait, Mirumoto. Un adulte serein pour accompagner cet enfant. enfin, c'est affectif, vous comprenez. Calmez-vous avec l'affection. Oh. Bon, allons-y, et je l'emmène avec moi. Parce que je sens que ça va encore partir en conflit verbal. T'as bien raison. Allons-y. Donc vous descendez vers les embarcadères de l'Est. Quant aux autres, je vais commencer par ceux qui vont aller voir la geisha. Donc tout simplement, vous allez à l'intérieur du bâtiment. On vous dit que la geisha est en train de se préparer pour ce soir. Donc vous pouvez aller la voir. Elle vous demande juste une petite redevance si vous désirez avoir ses services. Oh ben, nous souhaitons avoir ses services, bien sûr. Évidemment. Tu payes? Ah ben, avec, oui. C'est combien? Ah, voilà. Je partage la discussion. Apparemment, elle est très prisée et comme vous êtes des jeunes samouraïs, elle vous fait un petit prix. Et elle va juste demander nos sabres, sans doute. Oui, alors, les sabres sera à l'entrée. Tout le matériel militaire à l'entrée, même les armures. Et elle vous demandera un bout par personne. C'est la somme qu'elle demande. Eh bien, cela est parfait. Très cher Hiruma-san, nous allons passer un chouette interrogatoire. Allons-y. Vous arrivez à l'intérieur de ce tripot. Vous voyez que c'est un peu vide. Il y a quand même des personnes qui sont en train de s'organiser pour les clients de tout à l'heure. Il y a l'air d'avoir pas mal d'activités, comme je l'ai dit, dont une sorte de fumoir, mais vous ne faites pas très attention. Vous dites rapidement aux étages, vers les balcons. Et là-dessus, la mère Macrel, hein, c'est une geisha un peu plus... un peu plus vieille, plus âgée, mais avec beaucoup de maquillage blanc. Elle arrive devant une porte et elle dit, en tapant dessus, Soma-chan, deux samouraïs, ils sont là pour toi. Et puis, là-dessus, elle ouvre la porte et vous voyez une femme assez jeune, elle a 16 ans. Elle était en train de se lisser les cheveux. Il commençait à se mettre des points de maquillage sur les lèvres et sur les yeux. Donc, vous arrivez un peu au mauvais moment, samouraï. Puis-je avoir le temps de me préparer avant que nous commencions? Je vous en prie. Il en va de soi, évidemment. Elle se brosse, elle se maquille. Et puis, elle vous fait un salut très solennel. Et vous demande que souhaitez-vous que je joue de la musique. Il est un peu tôt pour boire, mais si... Nous souhaitons particulièrement entendre votre douce voix nous conter tout ce qu'a bien pu vous raconter un certain Oden. Oui, accessoirement, oui. En disant ça, je lui adresse mon plus beau sourire. Ah, de même. Je prends mon air charmeur. On dira... assez zen, décontracté, voilà. Vous allez faire un jet de courtoisie. Courtoisie. Ouais, courtoisie. Courtoisie quoi? On va choisir. Vous allez choisir soit l'user de sa raison pour vous parler d'Oden, ou l'inciter. C'est-à-dire vraiment y aller en tant que samouraï, vous désirez qu'elle parle d'Oden. Donc, vous avez une approche beaucoup plus différente, d'accord? Vous pouvez me dire terre ou feu. Je pense que Moto, je vais attendre de toi que tu choisisses le feu. Que je choisisse le feu? Choisis celui que tu veux. Non, mais oui, oui. J'ai pas justement entendu lequel. Je me doute que c'est le feu, mais j'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu lequel. La terre, terre ou feu. Le terre, c'est plus utiliser sa raison. Tu es samouraï, tu ne dois pas nous cacher des informations. Bref, c'est utiliser de la courtoisie, utiliser ses sentiments pour justement voir si elle serait apte à discuter avec vous. La difficulté est de 2 succès. Ah. Tu vois que elle est très charmante, mais 16 ans. Peut-être c'est pas un bon milieu pour elle. Et tu vois, tu essayes un peu de la séduire et jouer ton atout de petit charmeur. Oden venait souvent me voir quand il avait un bon moment. C'est triste ce qui lui est arrivé. Donc elle baisse un peu la tête. Il avait des personnes qui lui en voulaient. Il lui avait parlé d'un homme qui l'a hébergé. Je connais pas son nom, je m'en rappelle plus vraiment. Mais il m'en a parlé à plusieurs reprises, disant que il pourrait le faire devenir riche. L'un des hommes les plus influents de Sudamizumura. Et que je pourrais peut-être se marier avec moi et que fonder une nouvelle famille. C'était un peu ça son rêve. Il devait avoir... je suppose qu'il devait avoir bien des rivales pour courtiser. Enfin, s'il courtisait une si belle geisha, j'imagine que ça doit bien provoquer de la jalousie de part de vos autres clients. Quand tu l'as dit, si belle geisha, PAM! Elle se prend 2 points de conflit. Hop! Elle te dit, oui, samouraï, vous me flattez beaucoup trop. Je pense pas que je suis une super geisha. Oh, mais croyez-moi, bien sûr que si, vous m'inspirez des odes éternelles que je ne saurais jouer. Comment dire, qu'auprès des plus beaux jardins de Sundamizumura, votre teint est resplendissant. Ce que m'a dit Oden, c'est que il désirait avoir de mes services pour avoir des informations sur. Sur justement les possibles personnes qui chercheraient à l'empiéter sur son marché. Je lui ai dit que je faisais pas ça, enfin je ne pouvais pas, et il a abandonné l'idée. Ouais. Et puis du jour au lendemain, il commençait à ne plus vraiment me voir, et puis il est revenu il y a cela quelques jours. Pour me dire qu'il a bientôt préparé son départ et qu'il allait partir en laissant sa femme et sa fille seuls et partir dans une autre ville, une nouvelle ville. Il voulait tout abandonner. Apparemment, je l'ai trouvé qu'il avait vraiment une tête à faire peur. Oui, une tête à faire peur. Quel goujat de vous importuner, vous et votre... de vous laisser, comment dire, de telles tâches si ingrates, indignes de votre sublime magnificence. Je ne pouvais que refuser, je ne pouvais pas quitter. J'ai mon petit frère qui habite dans la ville. Je lui dis non, il a essayé d'insister, et c'est alors que j'ai appelé Mama-chan pour qu'elle puisse m'aider, et je ne l'ai plus jamais revue. Vous avez bien fait. Vous avez gardé sauf votre honneur en faisant ce que vous avez fait. Je pense que vous avez montré que vous êtes très clairement une femme remplie qui a accompli son devoir de geisha et n'a pas su succomber aux affres de ce aventurier qui a mené à sa perte toute sa famille, si je puis dire. Ah, cela est désolé qu'une telle créature ait pu être importunée, comment dire, par ce goujat. Ah, ça me désole. Vous me flattez trop, je me sens un petit peu. Oh, mais nulle flatterie n'est assez, comment dire, ne correspondrait à la beauté que vous m'inspirez, ma très. Bon, Iruma, tu sens qu'il y en a un qui s'enflamme. Hein. Oui, donc, je tout ça, t'as pas. Un peu de tenue. Sinon, et maintenant, quels sont vos projets? Que comptez-vous faire? Je vais continuer à vivre et à faire vivre ma famille. Peut-être serais-je une femme aimée d'un samouraï et qui me dorlotera et m'enverra des fleurs. Oh, je pense que vous avez déjà fortement tapé dans l'œil d'un des seigneurs des chevaux. Enfin, qu'avancez-vous donc là? Je n'avance rien. Je ne fais que constater. Mais sinon, vous n'avez point entendu parler, on ne vous a jamais nommé des personnes qui pourraient lui en vouloir ou quoi que ce soit. Non, je m'en souviens plus. Elle a l'air sincère quand elle dit ça. Oui. Tu penses qu'elle n'aime pas non plus la plus finot des geisha, quoi. Ouais. Donc en tout cas, c'est la plus finot qu'a pu voir mon ami du clan de la licorne. Donc vous ne vous souvenez plus du nom, donc qu'on dire de cet homme qu'il a voulu. Que vous... Coden a voulu que vous espionniez. Non, c'est de manière générale. Il voulait me faire faire des choses que je ne voulais pas. Quel être indigné. C'est répugnant. Enfin, bref. Et vous ne vous souvenez-vous pas d'un emplacement de boutique, d'un endroit qu'il aurait cité Non. Disons qu'il parlait beaucoup, mais qu'on faisait d'autres choses. Ah, il ne savait même pas tenir une conversation décente avec vous. Cela me désole. Question bête. Oui. D'un point de vue purement spéculatif. Elle prend comment la cour qui est en train de lui faire Garbatar? Elle a l'habitude. Donc, elle reste assez. Bah, elle reste, tu vois, toujours attentive et justement, c'est naturel, elle répond naturellement à chaque fois. D'accord, mais est-ce qu'elle est ouverte, pour reprendre le terme de Z, à ses inspirations romantiques? Oui. Carrément, ok. Bon, sur ce, excusez-moi, je vais vous laisser finir votre discussion tous les deux. Et je me lève et je quitte la pièce. Ok. Tu as la femme, la mère Macrel, à l'extérieur, qui t'a dit un petit mot, c'était rapide. Puis, Comme je vous l'ai dit, Mamachan, c'était principalement pour discuter. Mon camarade, par contre, va rester certainement un peu plus longtemps. Donc, on va faire ceux qui sont vers les entrepôts. Alors, vous allez vers les entrepôts du quai Est. Donc, vous suivez la route que t'a indiqué le marchand. Là-dessus, il y a quelques mercenaires qui sont en position, qui gardent en fait les entrepôts. Vous arrivez devant l'entrepôt justement en question. Il y a une personne qui garde l'entrepôt. C'est un homme habillé d'un costume complet, cachant jusqu'à même son visage. Entre guillemets, hein, il a juste le bas qui est caché par une sorte de masque. Il vous voit arriver et puis se lève, vous dit, il vous demande que voulez-vous, samouraï ? Eh bien, nous sommes en train d'enquêter sur la mort du propriétaire de cet établissement, enfin, de ce panton, ce quai. Oui, enfin, cet entrepôt. Oded ? Ah, oui. Mmh. Oui, oui, mmh. Bon. Je savais pas si je devais arrêter ou pas de faire la garde. Tout du moins, personne n'a pris la relève. Je suis encore payé une semaine pour garder cet entrepôt. D'accord, bah... Faites ce que pour quoi vous êtes payé. Oui, oui. Disons que on a besoin d'hommes honnêtes pour ce genre de travail. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Voilà. Heureusement que vous êtes là. Vous pourrez peut-être nous être d'une aide, d'une certaine aide. Oui, oui, oui. Je peux vous aider si vous avez besoin. Quand est-ce que vous avez vu justement votre patron pour la dernière fois? C'était avant-hier. Il est venu donc ici ou vous l'avez vu autre part que... Ici, il est venu me payer déjà. Puis, comme d'habitude, il prenait ses marchandises et repartait avec jusqu'à chez lui. D'accord. Est-ce que vous l'auriez vu avec des... Enfin, il a été accompagné ou il était toujours tout seul? Non, pas cette fois. Il était tout seul là, pour une fois. Il est accompagné de qui parfois? Soit par des assistants, des hommes, des états qui sont là pour porter des charges. Quoi. D'accord. Oui, jamais de clients ou de... C'est peut-être arrivé. D'accord. Serait-il possible de nous laisser rentrer pour que nous puissions un peu... regardez l'état, enfin, inspecter le... Je sais pas si j'ai vraiment le droit. Vous savez, nous sommes des Yoriki, hein. Nous sommes là pour enquêter sur la mort de votre défunt maître. Oui, oui. Je vais vous ouvrir. Merci, bien. Merci. Vous arrivez à l'intérieur d'un entrepôt, donc c'est une vaste pièce. D'ailleurs, j'ai fait une petite map maison. C'est marrant. Du combat. Non, une maison. Mais non, mais... Où sont les monstres? Vite, tuez le kobold. Eh bien, du coup, nous rentrons à l'intérieur. Voilà, donc tu vois des caisses empilées un peu partout, bien séparées à droite et à gauche. Il y a une sorte de brouette, enfin, tu vois, une brouette à bras juste à droite pour porter... Par contre, on n'a pas l'intérieur, vu qu'on n'a pas de token. Bon, ça c'est noir. Ah bah tout pour noir. Nous c'est tout noir là. Ah bon? Ah oui. Ouais. Ah là c'est mieux. Là c'est tout allumé. Bon, en même temps il y a qu'une pièce donc. Oui, c'est une pièce. C'est pas gênant. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà donc boîte à bras des caisses. Eh ben, si nous allions ouvrir une de ces caisses. Moi, j'ai envie de demander quand même à notre ami si son maître avait des marchandises plus précieuses que d'autres qu'il aurait cachées quelque part dans l'endroit. Pas, lui, il est engagé. Regardez. Surveille la porte, quoi, c'est tout. Il surveille la porte et surveille pas l'intérieur si jamais il y avait des gens qui auraient pu rentrer par une fenêtre porte. Ou je ne sais quoi. Il y a une porte. Mais il doit bien avoir des fenêtres pour laisser passer la lumière et tout ça, quoi. Ouais, justement, tu en vois une qui a été brisée. Oh. Celle qui se trouve de l'autre côté de la porte. Il y en a une ici. Et tu as des débris qui sont à l'intérieur. Ah, bah, c'est brisé pour rentrer. Voilà. Bah, je demande au mercenaire, c'est normal, ça? Non. Quelqu'un est rentré par effraction? On dirait bien. J'ai rien entendu pourtant. Je commence un peu à regarder les caisses, voir s'il n'y en a pas qui sont fracturées également, ou qui ont été ouvertes et un peu refermées. Non, je regarde s'il n'y a pas. Moi, de mon côté. Ils ne sont pas scellés, hein, par contre, je vais te dire, excuse-moi. Ils ne sont pas scellés. Tu peux les ouvrir et à l'intérieur, bah, tu vois des sacs de toile. Ouais. Celle de toile. Et à l'intérieur, bah, c'est du gros sel. Tu en as des caisses. En fait, là-dedans, c'est que du sel. Toutes les caisses. Voilà. Il y a des fois, tu vois qu'il y a de la viande dans le sel. Il y a pratiquement cuit en fait à l'intérieur. Ça fait d'accord. De la viande bien sec. Ouais. Mais sinon, non, c'est que du sel. Il n'y a pas des livres de compte pour faire l'archivage des affaires et tout ça? C'est chaud. Non. Ok. Ouais, qui a brûlé? Bah, à ton avis. Ouais, bah oui. Je vais quand même essayer de déplacer des caisses pour voir s'il n'y a pas des trucs, enfin une trappe en dessous d'une des caisses, ce genre de choses-là. Des caisses. Bon. Il te semble qu'il y en a certaines qui sont moins lourdes que d'autres. C'est ça qui te... Bon, bah, tu les déplaces chacune une à une. Là, je les ouvre quand même les moins lourdes. Il y a plus de moins lourdes ou plus de plus lourdes? Il y a plus de moins lourdes. Bah, j'ouvre celles qui ont l'air plus lourdes quand même. C'est des sacs de sel. Tu vois qu'il y a plusieurs sacs empilés, tu les retires. C'est que du sel à chaque fois. Que du sel vraiment à chaque fois? Oui, oui. D'accord. Ouais, il n'y a rien de bizarre quoi. Il n'y a rien qui nous attire l'œil plus qu'autre chose, mis à part la vitre cassée dans l'entrepôt quoi. C'est ça. Il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose à gratter dans cet endroit. Il y a des anchois. Des anchois bien salés. Vous savez s'il avait des ennemis, votre maître? Vous savez, ici, je pense que vous venez pas du clan, mais bon. Il y a quand même pas mal de gens qui aimeraient bien profiter de votre marché pour se faire des cocous sur votre dos. Des états qui auraient pu venir ici pour récupérer de la nourriture dans un des sacs, ce genre de choses. C'est possible. Mais je n'ai rien vu. Clairement, quel serait l'intérêt de casser une vitre pour rentrer à l'intérieur et ne rien voler? C'est plutôt surprenant. Ça arrive souvent votre maître de venir ici sans vraiment de marchandises avec lui ou sans partir vraiment avec de marchandises? Peut-être une bourse à la limite, un peu pleine qui... Chaque fois qu'il venait, c'est pour soit prendre des marchandises, soit en mettre. D'accord. Y a pas de traces de pas par terre? Non, un peu... parce que je me rappelle un petit peu que dans l'incendie, il y avait du sel qui avait été retrouvé sur les lieux. Donc, ouais. Pour faire le lien, là, peut-être. Même chose. Seulement, le truc, c'est que ça a l'air d'être une rue passante, donc difficilement visible de voir des traces de pas. De l'autre côté, tu croises plusieurs empreintes facilement. Tu les vois... qui ont l'air assez profondes. Tu vois que c'est de la terre, hein. C'est vraiment de la terre humide, parce que vous êtes près des docks, bref, près de la rivière, donc ouais. Meubles. Tu vois qu'ils ont l'air bien profonds, peut-être parce qu'ils portent des charges lourdes sur leur dos. D'accord. Et il y a sur la fenêtre qui a été cassée, il y a des bouts de vêtements, du sang qu'on voit dessus? Non, rien. Absolument rien. D'accord. Est-ce qu'on peut faire de l'investigation? Est-ce que... Alors, tu vas investiguer quoi? Déjà, voir s'il y a des caisses qui ont l'air de ne plus être sur l'endroit de l'étable, enfin de l'entrepôt. Par exemple, tu vois, quand on enlève une caisse, normalement, il y a des marques où il y avait la caisse... Qui se font et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je suis en train de réfléchir. Il y a quand même pas mal de traces au sol montrant qu'il y a du déplacement de caisse. D'accord. Oui, après, oui, c'est un entrepôt, donc forcément, ça bouge beaucoup. Voilà. Après, ça peut jouer, peut-être, c'est dans ce que tu penses. C'est difficile de savoir si c'est volontaire ou si c'est, enfin, si c'était parce que ça a été bougé, parce que ça a été bougé, ou c'est parce que quelqu'un extérieur à l'entrepôt a bougé quelque chose. Mais est-ce qu'une caisse peut passer par la fenêtre, déjà? Non. Non, non. Ok. Les 5, oui. Oui, alors du coup, est-ce que il peut y avoir une traînée de sel? Par exemple, si y a un sac qui est passé, qui l'a déchiré, il peut y avoir un filet de sel qui partirait. Je sais pas. Oui, bah, très bonne idée. Vous allez me faire un jet en tac-tac-tac. Ce sera... Ça va être tactique. Non, attends. C'est un peu compliqué de faire des jets de perception, hein. Parce que normalement il n'y a que sentiment, mais tactique ça pourrait marcher pour trouver des traces de sel. Donc ça va être tactique et haut. Vous trouvez bien sûr des traces de traînées de sel, hein, vraiment plus fines, comme si en fait c'était sorti du sac, peut-être pas une déchirure à cause peut-être de l'avoir... passé par la fenêtre. Sac. Voilà, peut-être. Ou tout du moins, ça te semble être une bonne théorie. Vous suivez ces empreintes et puis vous voyez que ça a l'air de mener vers plus bas, vers le quartier des Fanges. Vous êtes arrêté et puis bon, il n'y a plus vraiment beaucoup de traces de sel. Ça commence un peu à s'éparpiller. Tout du moins, ça ne vous semble pas possible de suivre la piste. Ok, mais c'est quelque chose d'intéressant quand même. Vers les Fanges, quelqu'un viendrait se servir. Peut-être serait-il intéressant, j'imagine, Yoritomo, San, de peut-être faire le guet. Si quelqu'un revenait se servir, par exemple, pendant la nuit. Je pense qu'ils ont pris ce qu'ils voulaient. Bah, je rappelle que le quartier des Fanges. Ils prennent clairement du sel, après. Non, ils prennent pas du sel. Au quartier des Fanges, tu ne ramènes pas du sel. C'est le quartier vraiment mal famé, hein, de Sundamizu. C'est vraiment le quartier où tu vas ramener de la drogue et la prostitution pour les États, c'est ce genre de choses-là. Vraiment, c'est tout sale. Du coup, je suppose qu'ils ne vendaient pas que du sel. Peut-être aussi des sels de bain. Qui sait ? À usage, peut-être pas forcément dans le bain. Médicinal. Voilà. Oui, alors après, pour arriver à savoir où chercher dans le quartier des Fanges. Ça va être compliqué. Mais limite, peut-être que ma mère pourra m'aider. Jamais elle arrive. Oui, mais elle arrive pas tout de suite. Hein. Oui, je lui dis. Ma mère pourra peut-être m'aider. Elle connaît qu'elle. On aura peut-être fini la campagne avant qu'elle arrive, tu sais. Ouais, non, peut-être. Mais bon, parce que je sais pas combien de temps va durer cette enquête et tout ça, mais je peux essayer de voir au moins avec des contacts pour avoir des gens de ma famille. Oui, bah, ça va être peut-être possible. De mes familles. C'est la filouterie, si tu cherches des contacts dans le milieu du crime. Filouterie. Et ça demandera peut-être un peu plus de temps. Là, pour l'instant, vous avez fait quand même pas mal de trucs pour le moment. Il commence un peu à se faire tard. Hein, vous savez pas trop ce qu'il en est de chacun. Tout du moins, vous êtes dit qu'à un moment, il fallait peut-être rentrer à la maison pour interroger le seul témoin. Si elle est toujours réveillée. Si elle n'a pas brûlé à son tour. Mais oui, effectivement, nous avons le témoin principal qui est quand même chez nous, donc ce serait quand même bien de l'interroger. Ça peut nous ouvrir des perspectives plutôt intéressantes, si elle se souvient de quelque chose. Du coup, vous retournez à la maison, tranquillement. Toujours en tête, avec les indices que vous avez réussi à avoir de chacun. Vous retournez à la maison, là-dessus, les serviteurs vous disent que la fille est bien réveillée, mais elle veut voir sa mère, ne savent pas quoi faire, vraiment s'occuper d'une enfant qui est mine, qui est en détresse émotionnelle, c'est pas dans leur habitude. Hiruma-san, je pense que ce sera pour toi. Je pense qu'elle te fait confiance. Essaye de la... Je vais aller voir. Je vais m'occuper. Donc, en effet, je vais aller voir donc, la petite. Donc, tu vas dans la chambre, sombre. Oui. Tu vois que tu ouvres la porte, ce qui laisse entrer de la lumière. Et tu vois un petit corps recroquevillé dans un coin, pleurant, chouinant, essuyant ses larmes dans son kimono violet. Ouais, je m'assieds à côté. D'accord. Et j'attends qu'elle fasse. Qu'elle me fascine, qu'elle soit disponible. Ma maman! Bah, je dis rien, j'attends. Tu dis rien, bon bah elle va continuer à pleurer. Hein. Oh oui, bah, je laisse pleurer. Hein. Donc là-dessus, dès qu'elle sera sec comme une figue, comme une date, d'accord. Comme un pruneau. Ouais, un pruneau. Bah, quand même. Ouais. Elle se tourne vers toi, te demandant mais tu n'avais pas vu ma maman. Je suis désolé, Nenekun. Ta mère est morte. Oh, tragédie. Bon, elle pleure à chaudes larmes. Mais... Alors, je vais juste faire un peu plus intensément parce que je vois que le temps défile et je vais aller direct dans le truc. Tu la calmes, tu vois que elle a l'air de bien se sentir quand elle est dans tes bras. Et toi-même, tu la réconfortes. Donc... Tu vois, lui expliques que sa mère elle est partie sur la voie céleste et que son esprit est en train de s'élever du fait que, voilà, qu'elle ne méritait pas cette mort atroce. Blablabla. Tu as 8 ans, la petite née. Tu as dit. C'est pas. Et tu vois qu'elle a vraiment, vraiment du mal et elle préfère rester dans moi parce qu'elle a peur d'allumer du feu. À l'intérieur de la pièce. D'accord, je lui dis qu'il n'y a pas de souci, qu'elle peut rester dans le noir si elle le désire. Dis-moi, Nenekun, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé hier soir avant que ta demeure prenne feu? Papa et maman se sont encore disputés. Ils se disputent à propos de quoi, tu sais? Ils se disputent souvent. Ça a quelque chose à voir avec le travail de ton père? Non, c'est avec tonton. Tonton Kyuda. Tonton Kyuda. Alors, Kyuda, ça me dit quelque chose? Non. Kyuda, on en avait parlé la séance dernière, mais c'était juste évoqué comme nom, comme ça. Je l'évoquais. Oui. Moi, j'ai marqué Kyuda, entre parenthèses, point d'interrogation. J'ai dû le dire, alors, oui. Bon. Non, mais je me rappelle pas, c'est... excuse-moi. Donc, tonton Kyuda, ma mère, mama n'aimait pas le voir. Disons qu'il avait une mauvaise influence sur papa. Papa était très, très mécontent et il frappait maman à plusieurs reprises. Qu'elle pleure, cherchant encore ses mots, Et puis, dans la violence du coup, elle te dit que sa mère a essayé de frapper son père avec une lampe. Oui. Et que ça a pris feu. D'accord. Nous on est dehors, hein. On fait rien de tout ça, hein. T'es tout seul. Oui, je suis tout seul. Ouais. Si. Oui, mais... Tonton Kuda, il ressemblait à quoi? Enfin, il ressemble à quoi? Mais c'est Tonton. Tu vois que... Elle prend elle a des crayons, enfin, entre guillemets, un fusain et du papier pour faire un dessin. Ouais. Très ressemblant. Tu vois, t'aimes bien les dessins bonhomme bâton. Tout le monde adore. Ouais, j'adore. Mais tu vois que elle fait bien et elle fait le visage et tu vois qu'elle fait un énorme point sur la joue droite. Un énorme point. Un point. Genre un grain de beauté? Ouais, un gros grain de beauté. Puis il fait une barbe approximatif. Tu vois vraiment le truc, le rond, tu vois, c'est vraiment le bouc. Puis elle colorie un petit peu, enfin elle essaie de faire des traits pour les cheveux, mais il n'y en a pas beaucoup. Et, tu vois, tu peux poser la question, il a l'air âgé, il a l'air un peu... Mais est-ce qu'il ressemble au gars qui a filé la thune au brigadier? C'est pas un portrait robot, là, t'es sûr, mais... Ouais. Tu te souviens que... Parmi les personnes qui se partageaient l'argent, il y en avait un, je crois que je l'avais dit, ou je l'avais peut-être pas dit comme ça, il avait quelque chose de particulier sur lui. Tu sentais qu'il avait quelque chose sous sa tunique. Oui, ça, c'était le gars qui donnait l'argent, justement. Voilà. Et... Tu te rappelles maintenant qu'il avait aussi un grain de beauté assez... un poireau, pratiquement, sur la joue droite. Ok. Donc, je lui fais des compliments sur son dessin. Oh, c'est un beau dessin, c'est très bien ce que tu as fait. Et là, tu vois qu'elle met du feu partout. Hein? Tu vois qu'elle fait comme l'incendie... Ah d'accord. Elle commence à mettre du fusain comme s'il y avait le feu, tu vois. Elle perturbait cet enfant. Hein, oh, ramenez-la à la DAS. Hein. Tu remarques aussi, bon, elle s'exerce, elle fait plein de dessins, ça a l'air de la détendre un peu. Elle te pose des questions, qui t'es, tu vois, vraiment, des questions simples, etc. Bah je lui réponds... Ouais, non mais je vais faire simple parce que c'est pas... plus très important pour le moment. Elle te pose des questions habituelles. Le seul truc, c'est que tu vois qu'elle sait vraiment pas où aller. Elle se pose la question maintenant, que va-t-elle devenir? Eh ben du coup, je lui pose la question de qu'est-ce qu'elle veut devenir? Quelle serait sa... Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle voudrait sa maman. Oh oui, enfin, outre ces points-là qui sont impossibles. Tu entends un gargouillement monstre venant de son ventre. Déjà, tu voudrais peut-être manger. Elle te fait oui de la tête. Bah, viens avec moi. Je lui tends la main, je me lève et je lui tends la main et je la mène aux cuisines. Tu la fais sortir de la chambre et elle passe un premier pas. Elle est extrêmement timide et voyant que tous les autres vous étiez dans le couloir à écouter un peu, enfin je sais pas si vous écoutez la conversation. Mais... Ah non, moi je suis pas dans le couloir, moi je me foutais un peu quoi. Bah après, on sait très bien qu'il va nous faire le rapport, enfin. Pas besoin d'écouter. Vous vous croisez et là vous voyez Néné qui vous fait un coucou, qui vous fait un bonjour à Samurai. Bonjour Samurai, bonjour tu vois. Oh, tu vois, elle est très curieuse de voir des armes sur certains. Tu vois, vraiment, un beau katana que tu as. Yoritomo. Okay. Oh non. Pas moi. Pourquoi pas toi? Parce que je suis celui le plus méchant avec les gamins, là, les gamins des mines. Ah oui, bah voilà. Tu le paieras au centuple. Elle est très curieuse, à table, elle mange quand même bien, hein, vraiment proprement, tu vois qu'elle a été bien éduquée. Elle tient bien ses baguettes. Et puis, elle mange vraiment comme un clouton, hein, glou glou glou, mais elle mange tout ce qui est présenté, elle avait vraiment faim. Vous continuez le repas dans une ambiance assez conviviale, vous rigolez un peu, elle rigole un peu, tu vois qu'elle reprend un peu la joie de passer des moments tous ensemble. Vous appréciez quand même, peut-être qu'elle a un tempérament un peu plus jovial que certains dans la pièce, mais sauf il y aurait Tombeau qui fait la gueule, lui. Ah, j'ai pas la gueule, hein, je m'en fous d'elle, quoi. Bref. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Après, donc une fois qu'on a mangé, je vais la reconduire à sa chambre. Ouais, sans fatiguer, tu vois qu'elle baille, elle se frotte les yeux. Voilà, on va la coucher tranquillement et après je vais revenir parler à mes camarades, leur parler de Kyuda, qui correspondrait au petit homme qu'on a vu donc la veille, qui aurait donc donné les sacs de pièces. Au brigadier. En parlant de sac, il y aurait un sac ou plusieurs qui auraient disparu de l'entrepôt de d'Oden dans les quartiers embarcadère de l'Est et en direction du quartier des Franges. Ce dernier, je pense pas qu'il contenait du sel. Je pense qu'il contenait quelque chose d'autre. Pour aller au quartier des Franges avec. Ça ne montre qu'une chose, c'est que Oden n'était pas forcément quelqu'un de bien. Ou du moins, il, pour éponger peut-être ses dettes, il a été obligé de faire quelques entorses à son commerce. Nous allons être clairs, je pense que Oden est une jolie saloperie. Non. Alors... Saloperie, peut-être pas, mais bon, quelqu'un sans honneur, sûrement. Parier des sommes qu'il n'avait pas au jeu, ça induit quand même. En tout cas, ça montre la couleur de la personne. En tout cas, peut-être maintenant que tu as déjà une idée de ce à quoi il ressemble, peut-être faire un petit tour dans le quartier des Franges en cherchant peut-être cet homme. Ça non, pourrait lui faire. Oui. Autant aller à la place des petits plaisirs, c'est là où est sa boutique de prêteur sur gage. C'est pas lui le prêteur sur gage. Ah, d'accord. Non. Le prêteur sur gage, c'est Zunto. C'est Zunto. Ah ouais. Oui, lui c'est qui. Oui, ok. Donc, mais en effet, ça serait, je pense, intéressant quand même d'aller en tout cas questionner peut-être les Ronin si par hasard ils connaîtraient pas un certain Kyuda. Et puis si jamais on n'a rien, on peut toujours aller au quartier des Franges, faire un petit peu de reconnaissance et voir si le visage que tu as déjà vu se balade dans le secteur. Ouais. Bon, sinon, je sais pas si Carpatar-sama vous a rapporté donc ce que nous avions appris auprès de la geisha. Que Oden souhaitait s'esquiver très très vite en laissant donc femme et enfant partir vers d'autres contrées. D'accord. Oui, donc clairement cet homme n'avait pas d'honneur. C'est un émin. Voilà, en même temps il est pas là pour en avoir. Oui, alors c'est bon. Petite théorie, Zunto et Kyuba peut-être se sont alliés pour chacun récupérer leur dû. D'ailleurs, question bête, vous savez à quoi il ressemble, Zunto? Zunto, on peut aller voir à la place des petits plaisirs. De toute façon, je comprends tout à fait qu'il ait voulu presser le pas. Vous avez quand même entendu de la part de Nanéné, que l'incendie a l'air d'être un accident. Oui, voilà. Oui. Ce qui vous semble bizarre avec aussi le fait que les brigadiers sont arrivés en retard. Oui, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que ils auraient été payés pour arriver en retard, mais que la façon dont ça s'est passé ferait plus penser que c'est un accident, donc c'est quand même bizarre. Alors à moins que la femme ait voulu se débarrasser de son mari et que malheureusement les choses ne soient pas passées comme elle avait prévu et qu'elle est morte quand même. Il y avait Cuba lors de la dispute et qui serait parti avant que le feu ne se propage trop rapidement. Certainement, oui. Très bien. Donc. Ah, j'ai oublié de dire, la fille était en état de choc. Hein, quand tu lui en parles, quand elle repasse ses images. Mais. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est limpide? Peut-être. Disons qu'elle a interprété les choses telles qu'elle a pu, entre guillemets, les voir. Mm-hmm. Mais vu qu'elle a qu'elle a bien intégré Cuba dans l'incendie présent à ce moment-là, de par son dessin, il était présent. Mais est-ce qu'elle a vraiment vu la scène? Est-ce qu'elle a pas juste entendu des gens s'engueuler et entendu quelque chose se casser et elle aurait estimé que c'était ça qui s'était passé, quoi? Juste abrégé, elle a vu la scène. Elle a vu la scène. Elle était dans la même pièce que les deux. D'accord. Ok. Mais par contre, il est possible qu'elle n'ait pas perçu toutes les choses. Il est possible que la mer se soit effondrée avec la lanterne. Avec un peu d'aide. Ouais. La lanterne soit tombée, en fait, elle était reposée, je ne sais pas, sur un bout de tissu que Kyoda aurait fait tomber. On est tiré un peu rapidement sans forcément alerter tout le monde et pouf. Quoi qu'il en soit, notre cible maintenant c'est Elcula. Yep. Donc, nous allons partir à sa recherche. Quand voulez-vous y aller? Est-ce que. Demain matin ouais. Je proposerais moi d'y aller en fait. Et maintenant, parce que si c'est le moment où tout le monde est sorti là, hein, dans les voilà. Aux franges, ouais. Bah, écoutez, oui, vaut mieux pas y traîner justement le soir trop tard. Enfin, je sais pas, personne n'oserait s'attaquer à nous. Nous ne faisons que passer, enfin, officiellement, c'est le quartier des franges, quoi. Écoutez, C'est un quartier que s'il est trop animé le soir et qu'on cherche à nous agresser, nous ne ferons qu'apporter un peu de paix à ce quartier. Je me demande, dans ce quartier-là, il y a des patrouilles qui sont effectuées, on le sait ou pas? Non. Pas de patrouilles? Il y a des gardes? Enfin. Non plus. Il y a des brigadiers, mais il n'y a pas de... Okay. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a normalement... des packs, je crois qu'il y a... Une garnison, mais plus proche de la sortie que dans le quartier des Franges. Les gens peuvent aller voir la garnison, et mais ensuite... On peut pas y aller là-dedans, si. On va voir la garnison, ensuite on va voir si jamais on pourrait récolter assez d'informations chez eux. Si on peut pas avoir assez d'informations... Mais c'est une garnison, hein, c'est... Mais on peut pas rentrer, c'est l'armée, enfin c'est... L'armée. Ah oui, d'accord. Il y en avait déjà une dans l'autre, dans le quartier où on est, nous, on n'avait pas rentré. Je pense qu'on peut se balader. Tant qu'on perturbe pas les affaires des gars, ils vont pas nous casser les bonbons. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Là, on est là d'abord pour regarder, pas forcément pour agir. Je te rappelle qu'on est encore des enfants, genre on est des jeunes, quoi, vraiment. Et. On est des Yoriki? Oui, la loi, c'est nous. Oui, mais justement, on est des jeunes Yoriki. Oui, on cherche des noises, tu... Enfin, voilà. Mais on peut tuer, hein. Dire, en gros... Oui, non, je sais, voilà. Mais... Allons-y. J'y crois pas, hein. Les membres du clan de la menthe qui auraient peur de la bagarre. Non, un membre du clan de la menthe qui... peur de s'en prendre à d'autres membres de la pègre. à d'autres membres de la Fègre, parce que ça veut dire qu'en fait, vous tenez plus du côté de votre mère que du côté de votre père. Non, mais là, c'est... C'est à Sherpay, là, que je parlais. Ah, mais c'est... mais attends, mais on était en... Si t'as envie, ma foi, la Fègre, dans le quartier des Franges, est puissante. Écoutez, Yoritomo, si vraiment cela vous gêne, vous pouvez tout à fait rester ici et nous irons. Je n'ai pas voulu essayer d'y aller seul, hein, franchement. Donc la discussion est close. Moto, est-ce que vous vous joignez à nous? Moto-san. Bon, il est encore à l'écurie, celui-là. Hein. Et oui, je crois pas être là. Ah, t'es plus... Bah, je pensais que tout le monde était rentré à ce moment-là, mais... J'ai bah, comme monsieur MJ avait dit, c'est bon, je pense que vous avez vu que l'heure, machin. Moi, je me suis dit, bon, bah, il est rentré avec nous. Il oui, tout le monde est rentré. Ah, bah voilà. Je le savais. T'es plus avec ta dulcinée, là. Et moi, j'écoutais. Bon, bah, j'ai pas de résultat. Enfin, j'ai pas eu de test à faire, rien. Ok. Bon bah oui. On en reparlera. Toi t'as fricoté, toi. T'as fait tout ce que t'as. On en reparlera. Hey. Des trucs dégueulasses. Avec il la a fait paille. La chaudière. C'est dégueulasse donc, parce que tu l'as jamais fait. Donc Moto-san, vous joignez à nous ou vous êtes trop fatigué pour vous déplacer? Oui, oh là là. Avec un petit sourire. Eh, hey, c'est bon. De quoi je me mêle? Je plaisante, bien sûr. J'arrive. Je viens. Eh bien, allons-y, c'est parti. Vous donc, nous coup... rendons dans le quartier des Franges. Ok. Donc, vous arrivez dans une grande allée. Donc là, il y a encore de la garde, etc. Il y a quand même du passage. Vous commencez ensuite à aller dans ce qu'on appelle le quartier de la Sinueuse. Le quartier de la Sinueuse, c'est celui qui se trouve vraiment... je vais vous pinguer ça, c'est ici. Le quartier chaud, quoi. Ok. Donc, okay. Toute cette rue-là, c'est une rue, disons, assez mal famée. La garde grise n'y est pas tellement présente. Mm-hmm. Mais il y a quand même du passage de garde, etc. Vous passez dans cette rue, éclairée par quelques lanternes, et tout de suite, ce que vous voyez est horrible. Vous voyez de la prostitution d'enfants, vous voyez des camés à peu près partout, des personnes qui vraiment sont sans gêne. Des choses, vous voyez que directement, vous voyez des personnes se faire, qui arrivent amputer des deux mains, qui arrivent vers vous demandant de payer, enfin... Des mendiants, quoi. Ils arrivent vers vous avec juste une sorte de collier avec une caisse et sans les mains, ils vous demandent, et même sans les dents, ils vous demandent si vous n'arrivez pas à quelques petits ennemis. Vous voyez que vous êtes approché par divers mendiants, mais qui sont vite recalés dès qu'ils voient qu'il y a quelques mecs assez gros bras qui viennent justement les faire fuir. Vous êtes un peu mal à l'aise dans ce quartier. Tu m'étonnes. En fait... Ils ont juste rajouté un R, hein. C'est trop quoi. Tac. Le quartier des Fanges, ça aurait été très bien. Il y a pas mal de maisons de saké, de tripots, mais ça a l'air d'être des bouillis peu recommandables. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des combats de rue en plein milieu de certaines allées. Ça peut dégénérer, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Vous commencez à vous arriver à un embranchement pour revenir sur la rue principale, mm-hmm. ou continuer encore plus bas vers ce que vous pouvez appeler vraiment la bordure de falaise. Bah, de toute façon, autant aller jusqu'au bout, hein, faire toute la rue. Enfin, si on voit rien de... Après, moi, je dis beaucoup à Hiruma d'essayer de voir si on tomberait pas sur l'oncle. Parce que enfin, moi, je l'ai pas vu, hein, je pense. Donc, Bah, je vous en fais une description. Si, je crois que tout le monde l'avait vu, plus ou moins. On avait tous vu une description. Non, tu leur fais une description. Moi, je leur fais une, je fais une description, donc déjà de la personne. Donc, c'était en fait le petit vieux qui avait, qui a donné, enfin, des bourses, donc là, au brigadier. Au brigadier, oui. Voilà, pour signe particulier, donc il a un poireau sur, sur la, la joue droite, c'est ça ? Okay. Mmh. Eh bien, écoute, moi je ziote partout, voir si jamais je vois quelqu'un qui aurait un poireau sur la, la joue ben, droite. Sur la joue, et... putain, un vieux aussi, c'est un vieux et un vieux. Ah, âgé, mais les vieux, c'est pas ça qui manque. Hein. C'est... Ouais. Voilà. Après, au pire, il s'appelle Kuda. Hein. Kuda. Okay. Oui, si on entend le nom par inadvertance. Au pire, on peut demander même au, au chaland. Hein. Ouais, ouais, mais je pense que dans le quartier, si on fait ça, ça va peut-être déjà éveiller des soupçons, tu vois. Ça pourrait presque même l'inciter à se cacher, tu sais. Bah, moi, personnellement, c'est... Oui, non, mais je suis d'accord avec ne toi. Ne pas trop citer son nom. Mais oui, enfin moi en tout cas je regarde autour de moi si je vois quelqu'un qui correspondrait ou alors si j'entends par inadvertance le nom de Kuda. Mais sinon je pense que nous avons une personne ici présente qui pourrait peut-être agir de manière plus efficace que nous auprès des personnes du cru. Moi, tout de suite, hein, parce que je suis un clan de la menthe, hein, bravo, hein. Putain, Denis Faciès. Bah, vous avez l'air de bien connaître ce quartier. Mais je connais pas bien ce quartier, c'est juste qu'on en a déjà parlé, franchement. Ouais, mais... c'est juste que je disais que vous connaissez mieux que nous tous ici présents. Vous allez tous me faire un jet de sens, ça veut dire, attention, sensation vide. Et je crois que Iruma, tu avais... du coup une difficulté qui va être qui va être réduite. Oui. Voilà, sensation, c'est où ça? C'est social, je crois. La difficulté n'est pas donnée, c'est-à-dire que vous gagnez un point de vie de, à l'échec de la compétence. Alors, sentiment, tu veux dire, non? Sentiment, oui, pardon, c'est pas sensation, c'est sentiment. Excusez-moi. Ok, social. Plutôt en érudit. C'est en érudit. Ouais. Érudit. Scolaire, scolaire, scolaire. Et on choisit l'approche ou c'est en vide du coup? J'ai pas entendu. C'est en vide. C'est en vide. Vide. Et je rappelle, vous pouvez utiliser un point de vide. Si ah, vous ratez le jet, vous gagnez un point de vide. Parce que je vous donne pas la difficulté du jet. Je claque un point de vide. J'aurais pu le dire avant. Si on claque un point de vide, ça fait quoi? Enfin, fallait faire avant. Bon, du coup, j'ai gagné un point de vie, c'est ça? Mmh. Donc là, je peux utiliser un point de vie, moi, c'est ça? Oui, tu peux utiliser un point de vide. Et si tu rates quand même le jet, tu gagnes un point de vie. Alors, du coup, alors, je me rappelle pas. Sinon, tu le perds. Est-ce que tu peux me rappeler, vite fait, quand j'utilise un point de vie, c'est quoi que je change sur le jet? Tu rajoutes un jet d'anneau en plus. Donc dans anneau, je mets un. Plus un. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu gardes un dé en plus. C'est très bien. Pour gagner le point de vide, il fallait le dépenser avant, c'était ça? Mmh. Ah, ça l'a pas fait, donc là, pour toi, Birumoto. Donc j'ai rien perdu, moi. Bah ouais, pourtant, j'ai mis un. J'ai rien gagné. Ah bah, tu lances un dé comme ça, en plus. En ouais. Après, tu rajoutes un anneau. Ah bah là, ouais. Ça l'a fait, là. Tu vois, c'est bizarre. Ah, ok. Bon, bah, on va prendre le deuxième jet. Yoritomo, si vous pouvez pas dépasser votre nombre de points de vie initial, c'est-à-dire si tu étais à 1, tu peux pas aller plus loin. Si tu étais à 0, bah tu reviens à 1. Mais tu peux pas aller au-delà de 1 si tu n'as qu'un seul un seul rang en vie. OK. Pour faire simple, tac tac tac. Iruma, toi tu gardes lesquels? Ah bah je vais garder juste la relance. Bah tu relances. Et je garde du coup le deuxième de la relance. Ok. Donc, Iruma, tu fais normalement 3 réussites. Tu surveilles, tu commences à regarder dans tous les sens et tu vois quelque chose de particulier. C'est un marchand, très simple, mais Il a l'air de vendre des à très petit prix de la viande séchée. Ouais. La viande salée, pardon. Ok. Et toi, Mirumoto, tu vas quand même prendre un point de vide. Donc tu récupères le point de vie que tu peux utiliser. Ouais. Mais tu vois que, entre guillemets, dans la rue, il y a beaucoup de clans de la menthe. Je vois pas ça. Bah disons que ça se voit non pas des vêtements, mais des armes que certains possèdent. Du coup, quand je vois ça, je m'approche discrètement de Yoritomo. Je lui mets un petit coup de, tu sais, un petit coup de bien placé et je lui dis de regarder dans la direction de ceux que j'ai vus, quoi. Ils ont l'air de se diriger proche de la falaise dans un bâtiment, une sorte de tripot encore un peu mal famé, mais après, bon, c'est peut-être pas là où tu vas les rejoindre. Quoi. Ça a l'air d'être des marins du clan de la menthe, mais sans plus. Alors moi, je leur indique par contre le marchand en question de viande salée. Et que je vais aller voir directement. Et tu vois que le marchand, même s'il est tard dans la nuit, tu vois qu'il a son petit stand. Il vend sa petite viande. Et voyons que le samouraï, il vous dit que si vous avez un petit creux, je vends. Poisson, la viande salée. Hein, tu lui as dit ça pour lui. Oui, bah vous venez avec lui. Hein. Ouais. Je vous ai montré en fait. Hein. D'accord. Et par hasard, ce serait pas un certain Kyuda qui vous aurait fourni ces marchandises, hein? Ben non, je les ai achetées. Oui, vous avez bien acheté à quelqu'un. Est-ce que par hasard cette personne donc ressemblerait à... Tu fais la description de Kyuda. Non monsieur, hein, je sais. Chez moi-même. Je regarde s'il a des sacs à côté. Oui, il a des sacs. Est-ce que le sac ressemblerait à un petit... Hein? Des sacs en toile mais plus petits que ceux que tu as déjà vus. Je regarde un petit peu et écoutez-moi. Est-ce que vous auriez fait affaire récemment avec un certain Oden? Je sais qu'il vend. C'est le marchand qui est mort, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous auriez acheté sa marchandise récemment? Quoi? Non, parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter son lieu de stockage et votre marchandise. Écoutez, vous achetez ma viande ou vous achetez pas ma viande? Bon, personnellement, je sais pas. Vous avez faim, vous les autres? Bon, bah, laissez-moi. Il faut acheter pour qu'il puisse nous parler, c'est juste ça. Justement. Non, j'ai rien à vous dire, moi. Oui, mais. En fait, vous avez remarqué, nous nous déplaçons en groupe. Justement, nous cherchons peut-être à nous lancer. Disons, nous, dans certains. Commerces, et nous. Peut-être de nous cotiser pour acheter cet entrepôt. Nous serions. Curieux de savoir quel goût justement a le poisson de ce cher Oden pour savoir si ses fournisseurs sont fiables et si par exemple vous trouvez peut-être, j'imagine que vous êtes une échoppe de qualité et si vous le trouvez qualitatif pour l'exposer sur votre table. Samouraï? Oui? Vous achetez ma viande ou vous l'achetez pas? Alors, on va le faire plus simple. Nous sommes intéressés. Excusez-moi, je vous laisse. Alors, déjà, on va arrêter de tergiverser sur le fait qu'on va acheter votre viande ou pas. Nous sommes Yoriki, et nous vous posons des questions dans le cadre d'une enquête officielle. Ah bah, fallait lire tout de suite. Mais fait peur. Ouais, il y a la broche. Vous voyez pas le... Je vous montre le mon, hein, qui est sur moi. Ouais. Excusez-moi, je savais pas, moi. Raconter comme histoire. J'ai eu peur à un moment que vous étiez... pas ça. On était quoi? De dévaliser, quoi. Ah, mais non. Vous savez où il est, Kyuda? Donc, vous allez nous répondre maintenant à la question, donc. Est-ce que c'est un certain Kyuda qui vous a promis ou pas? Je sais pas qui c'est, ce... Je vous ai donné sa description. Est-ce que ça correspond à la personne ou pas? Déjà, le nom de la personne qui vous a fourni vos... On vous embêtera, on vous appartiendra pas plus longtemps que ça. Écoutez, je l'ai acheté à... un groupe de personnes vendant des marchandises qui auraient pu passer de main en main, voilà. Je suis d'accord. D'accord. J'ai fait un énorme prix pour les viandes et j'ai acheté ça en gros chez eux. D'accord. Et c'est qui? On vous citera pas, hein. On vous inquiétez pas, hein. On dira pas de qui on tiendra cette information. C'est pas pour vol qu'on enquête, vous inquiétez pas. Disons rien que le fait que vous parlez maintenant, je vais pas être bien ce soir. Vous voulez pas acheter un peu de viande quand même? Écoutez. Mais le moto va vous acheter un truc là. Allez, fais pas ta pince. Pour faire simple, soit vous nous répondez maintenant, soit sinon vous pouvez nous suivre en géol. Avec tout ce qui pourra se passer, on vous tiendra bien sûr en sécurité. Vous êtes sûr que vous voulez pas un peu... Oh là là, cette brochette, elle coûte combien? Donnez-la moi. Vous voulez pas un peu de... Non, mais pas de ces brochettes, non. Du poisson... le poisson gris, hein. Le poisson comme la carpe. La carpe grise. Oui, d'accord. La carpe grise. Oui, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne soirée, mon ami. Et merci de nous avoir enseigné. Enfin, de nous avoir... offert un mets de telle qualité. Je vais signer au copain de rappliquer. Offert, c'est... Oui. Tu vois qu'il est très gêné. Lui donne deux zénis. Ah, bah oui. Ah, bah là, toi qui te l'emballe dans du sel et puis que l'offre, tu sais. Je sais pas quoi dire là-dessus. Il te donne le poisson que tu peux manger comme ça. Très mauvais goût, c'est l'anchois. J'en veux pas. Je vais le donner à quelqu'un dans la rue. Oui, Hiruma-san, pourquoi autant d'empressement à partir? Apparemment, il aurait obtenu ceci de la part de personnes... d'ailleurs, je ne savais pas qu'ils opéraient ici. Enfin, la carpe, ça vous dit rien du tout comme mode? Bah si, justement. Ah, un clan en particulier? Un clan en particulier, un clan très local. En plus, ça serait un gang, mais oui. Pardon? Avec leur pratique, quoi. Éclaire-nous notre lanterne, Hiruma, tu es chez toi, nous ne sommes peut-être pas forcément trop du coin, donc je serais peut-être plus à même de... Vous connaissez les reliques, il y a quand même des clans. Yasuki, ça, c'est une carpe. Oui. Voilà. Qui ça? Les Yasuki. Le clan Yasuki, leur mône, c'est une carpe. C'est celui qui nous a engagés. Non. C'est pas lui? Non, mais c'est la famille principale qui se trouve dans Sunda Mizumura. Les trois quarts, ce sont des Yasuki, et ce sont tous des marchands en particulier, des marchands très particulièrement audacieux. Voilà. Ah bah je leur faire toute une description sur la famille Yasuki. Oui, tu leur fais ça, mais c'est pas le plus gros problème. la carpe, il t'a parlé d'une carpe. Carpe grise. Voilà. Parce que c'est bien beau hein, de dire la carpe, c'est aussi simple que de dire « Oh mais, vous voulez pas prendre un peu de ce dragon bleu, tu vois, des dragons blancs, ce bleu ?» Mais c'est important d'avoir cette information. Vous êtes en train de cogiter, mais... Il y a une échoppe qui s'appelle comme ça ? Non, il n'y a pas d'échoppe qui s'appelle comme ça. Non, mais ça indique quelqu'un de spécial, de spécifique, ou un groupe de personnes spécifiques. Oui, bah moi ça fait penser à la garde grise, mais... Oui, aussi. Voilà. Bravo. Après... C'est pas tout de suite les conclusions, parce que... Pour le moment, vous avez vu quand même qu'il a de la marchandise qui a été volée, entre guillemets. Vous savez pas trop qui lui a vraiment apporté, il vous a donné cette instruction vraiment à la va-vite.